بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخذنا في الدرس السابق on a pu prendre dans le cours précédent بعد الأحكام certains des jugements et des règles concernant تكبيرة الإحرام. الشيخ الإيراني حفظه الله تعالى dans son kitab حسن المؤمن il a omis d'évoquer cette مسألة qui est مسألة تكبيرة الإحرام فإلى évoqué directement parmi les adhiya et les askar qui sont liés à la salah, il a commencé cela directement par du'a al-istiftah. Or, il est bien de commencer directement par le zikr qui est légiféré de dire et qui fait partie des arcanes lorsqu'on débute la prière qui est takbirat al-ihram. On a pu voir que le jugement de cela c'est que c'est une obligation, c'est un rukn min arkan al-islam. Celui qui ne fait pas le takbirat al-ihram, salatuhu batila. Les hadiths قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. La salat de l'un d'entre vous ne sera validée que lorsque l'un d'entre vous fera le wudu comme il se doit et ensuite il dira Allahu Akbar. Ce hadith rapporté par At-Tabarani, c'est un hadith qui est sahih, qui nous montre que At-Takbir, Takbir al-Ihram, c'est un rukn, une obligation par laquelle s'accomplit la prière. Et on a pu voir qu'il n'est pas légiféré d'évoquer un dhikr autre que Allahu Akbar. Certains des ahnaf, ils voient que c'est légiféré d'évoquer un dhikr dans lequel il est évoqué la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Fait celui qui dit Subhanallah, fait celui qui dit Allahu Ajal, عندهم salatuhum mun'aqidah. Sa salat est considérée. Or cela n'est faux, comme on peut voir à travers le hadith. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que la prière de l'un d'entre nous ne sera valide que lorsqu'il dira Allahu Akbar. Et il n'est pas connu que le prophète عليه الصلاة والسلام a évoqué une formule autre que Allahu Akbar. Donc on se contente de dire cela. Ça c'est la parole du Jumhur et c'est la parole qui est sahih. On a pu voir qu'il y a des cas qui n'est pas légiféré de prononcer Allahu Akbar dans une autre langue. Dans une autre langue que la langue arabe. Car c'est une, même si la personne ne connaît pas l'arabe, ne maîtrise pas l'arabe, c'est une chose qui est à la portée de tout le monde peut le prononcer. Certains même ennemis de l'islam le prononcent correctement, donc une fois qu'il a appris comment le dire, il n'y a pas de... en français ou bien en anglais, ceci, cela, ça c'est une kalimat qui est faux, parce que tout le monde peut... C'est à la portée de tout le monde de dire Allahu Akbar, c'est simple. On a pu voir qu'à l'écran, on s'est arrêté là, je pense, par rapport au jahar bit takbir, est-ce qu'on doit le faire à voix haute? On a pu voir que pour le al-munfarid, celui qui prie individuellement tout seul, ou al-ma'moum, celui qui est présidé, fait ces deux personnes-là n'ont pas à élever la voix lorsqu'ils disent Allahu Akbar. Ils n'ont pas à élever la voix lorsqu'ils disent Allahu Akbar. Parce que ceci fait partie du dhikr. Et comme on a pu voir dans les tout débuts de ce cours, dans la série du cours, que le dhikr, la base dans le dhikr, c'est que ce soit fait avec discrétion. Qala subhanahu wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika. تَدَرُّعًا وَخُفْيَا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Allah Azza wa Jal dit, évoque le nom de son Seigneur en toi-même avec humiliation et discrétion sans pour cela élever la voix. Donc la base dans le dhikr, excepté si jamais on a une chose qui nous permet de le faire à voix haute, et bien on doit le faire à voix basse. كَذَلَكَ الْحَدِيثِ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا سَمِيعًا. Vous n'êtes pas en train d'implorer un sourd et un absent, vous implorez Allah subhanahu wa ta'ala qui est audient et qui est proche. Naam. On ne peut voir qu'avec les salaf, c'était pas connu des salaf d'élever la voix comme l'a dit Al-Hassan Al-Basari rahimahallahu ta'ala. Enfin, celui qui est ma'moum, celui qui est présidé et celui qui est munfarid, les deux n'ont pas élevé la voix. Amma l'imam, enfin l'imam lui doit lever la voix. L'imam lui se doit d'élever la voix parce que النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه. L'imam il a été désigné pour présider la prière. Comment on peut le suivre? si jamais il dit pas Allahu Akbar à voix haute. Donc ça fait partie de la qa'ida, ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Comme il est obligé et obligatoire de suivre l'imam, donc tous les intermédiaires nous permettant de le suivre correctement, ce seront des intermédiaires qui vont prendre le même jugement, c'est-à-dire l'obligation. Car le suivre correctement, c'est une obligation, donc tous les intermédiaires nous permettant de le suivre correctement vont prendre aussi le même jugement. Donc là, pour l'imam, ça devient une obligation. Il doit élever la voix afin qu'on puisse le suivre. Car sans cela, on ne peut pas le suivre. Ça ne sera pas possible. Kazalika, un deuxième cas dans lequel on peut élever la voix, si jamais, مثلا, l'imam, يعني, ضعف صوته, c'est lui qui a présidé, il était malade, il avait une voix qui n'était pas trop portante. Fayajouz, l'imam wara'ahu, celui qui est derrière lui, et ceux aussi, comment ça s'appelle, dans les soufoufs, qu'ils élèvent leur voix, afin que les autres entendent et ils puissent suivre l'imam comme il se doit. La preuve de cela, le hadith rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, an Jabir ibn Abdillah, قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. Donc ce hadith authentique rapporté par Muslim 413, Jabir ibn Abdillah évoque qu'une fois le prophète عليه الصلاة والسلام a présidé la prière et Abu Bakr était derrière lui lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le takbir, et ça c'est pour tout takbir, faisait le takbir, fait Abu Bakr kazalika, il faisait le takbir afin de nous faire entendre que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait le takbir. Fahahuna, il est légiféré. Kazalika, si jamais il y a une coupure de micro et qu'on n'entend pas l'imam, il y en a dans toutes les parties de la mosquée, fahahuna, kazalika, certaines personnes doivent élever leur voix par le takbir afin que ceux qui sont présidés puissent suivre l'imam correctement. Fahahuna, naam. Donc dans deux cas, il est pas légiféré d'élever la voix puis de takbir pour celui qui prie individuellement et pour celui qui est ma'moum. Et dans deux cas, il est légiféré et obligatoire d'élever la voix bi takbir pour l'imam afin qu'on puisse le suivre. Et dans les cas, si jamais il y a un imprévu comme l'imam مثلا, qui est malade ou bien que sa voix est baisse et que une coupure d'électricité, ceci est fait par l'imam. Ça c'est dans les deux cas où c'est légiféré d'élever la voix. Faqat. Amma ce qu'ils font fil masjid al-haram, alors que, mashallah, l'imam, il a apporté un micro qui permet même d'entendre, de faire entendre sa voix aux personnes qui sont en dehors de la mosquée. On peut l'entendre, yani, sa voix, yani, de très très loin. Fa, tu vois le muazzin, celui qui prie derrière lui, kazalika, il est en train d'élever la voix. Fa, ça fait partie des bidah. Ça fait partie des bidah parce qu'on n'a pas, il n'y a pas besoin de cela. Il n'y a pas besoin de cela. Si jamais la voix de l'imam elle est entendue, il n'y a pas besoin que une personne qui est derrière l'imam, kazalika, elle élève la voix. Ça, c'est une chose qui n'est pas connue parmi les salafs. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas légiféré cela. Et kazalika, sahaba, ce n'était pas connu qu'il fasse cela. Souil al-Sheikh al-Islam, rahimahallahu ta'ala, an établir khalf al-imam. Yani le fait de transmettre le takbir, le fait que quelqu'un transmette le takbir de l'imam à voix haute. Hal huwa mustahabun ou bid'a. Fa'ajab rahimahu al-Nam. Est-ce que ceci est recommandé ou bien ceci fait, est-ce que cela fait partie des bid'ah, des innovations? فأجاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام فقال أما تبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. Quand on fait de transmettre, يعني le takbir de l'imam sans qu'il y ait une nécessité pour cela, ceci fait partie des innovations qui ne sont pas recommandés, yani, toute innovation, de toute façon, ne peut être recommandée, bittifaq al-a'imma. Et ceci, selon le consensus des a'imma. قال وإنما يجهر بتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون. Et il dit, cependant, celui dont il est légiféré, qu'il élève la voix bittakbir, c'est l'imam, comme le faisait le prophète, عليه الصلاة والسلام, et كذلك ses خلفاء. قال ولم يكن احد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y a pas une personne qui était présidée, qui était derrière le prophète عليه الصلاة والسلام, qui faisait cela, c'est-à-dire qui transmettait le takbir du prophète عليه الصلاة والسلام à voix haute. Ça c'est une chose qui n'est pas connue. قال ولكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته. Lakin lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام était malade et que sa voix était affaiblie, فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمعه بالتكبير فأبو بكر il transmettait le takbir du prophète عليه الصلاة والسلام à voix haute, comme on a pu évoquer à travers le hadith rapporté par Muslim 413. قال وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ et les ulama ont divergé concernant la prière de celui qui transmet le takbir à voix haute sans aucune nécessité. قال على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. Ils ont divergé. Certains voient que ceci fait partie des annulatifs de la prière et certains voient que ceci fait partie, ne fait pas partie des annulatifs de la prière. لكن من البدع. Ça fait partie des من البدع. الذي يظهر والله أعلم أنه يعني لا تبطل صلاته لأن هذا ça fait partie du dhikr. Ça fait partie du dhikr. لكن ce qui est interdit dans la prière, c'est le fait de parler. أما هذا ça fait partie du dhikr. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الناس وإنما هو للتكبير والتحميد وتلاوة كتاب الله. Dans la prière, on évoque le takbir ou plutôt le tasbih, on lit le dhikr et on lit le Coran. Le prophète il a évoqué que dans la prière, c'est l'endroit où on fait le dhikr. Et le fait de dire Allahu Akbar, c'est un dhikr. الذي يظهر, c'est que ça annule pas la prière, lakin cette personne a commis une bid'a. Il a commis une bid'a. من المحدثات لا شك ولا ريب في نعم لكن اختلف العلماء certains voient que ceci fait partie des annulatifs comme l'a évoqué Cheikh l'Islam et on retrouve la parole de Cheikh l'Islam رحمه الله dans مجموع الفتاوى le volume 23 la page 403 نعم. Ça c'était pour conclure les مسائل qui sont relatifs au takbir تكبيرة الإحرام le fait de dire الله أكبر نعم. فالآن on poursuit inshallah تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. الآن نعم on rentre dans le sujet. Et ce qu'on dit après تكبيرة الإحرام on appelle ça دعاء الاستفتاح. La دعاء que tu fais le prologue. La دعاء que tu fais lorsque tu veux ouvrir la prière. C'est مستحب جدا avant de commencer de lire الفاتحة de faire un ذكر d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de l'implorer avant de commencer la prière. C'est ce qu'on appelle دعاء الاستفتاح. Et le صحيح c'est que c'est مستحب. C'est une chose qui est recommandée, fortement recommandée, car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas connu qu'il a délaissé. Et ça, c'est la parole du Jumhur. Ils sont tous, il y en a unanime, le Jumhur, que ceci fait partie des choses qui sont mustahab. Car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, mais cependant, il n'a pas ordonné sahaba de le faire. Donc le jugement de cela, c'est que c'est mustahab. Et ce qui a pu kadalika, que ce n'est pas wajib, car certains, parmi une minorité des savants, on dit que du'a l'istiftah, c'est une chose qui est wajib. Ce qui montre que ce n'est pas wajib, c'est que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas ordonné, comme on a pu voir, ses compagnons de faire cela. Et kazalika qalu, لو كان واجبا, si jamais ça aurait été une obligation, لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم, أبا هريرة يسأله عنه, بل لبادر إلى ذلك البيان. Si jamais ça aurait été une obligation, il n'aurait pas attendu que Abu Hurayra le questionne concernant le silence. Que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il observait entre le fait qu'il disait Allahu Akbar et le début de la lecture du Coran, de l'Fatiha. Il a observé Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, il marquait un silence. Et il avait observé que le prophète disait des choses. Fasa'alahu, il l'a questionné au sujet de cela et ensuite il a évoqué le hadith, inshallah, qu'on va étudier. حكم دعاء الاستفتاح c'est que c'est une chose qui est مستحب. هذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور. C'est la parole prépondérante et c'est la parole de la majorité des ulama. نعم. قال رحمه الله ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. قال يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني في بعض الرواية اللهم اغسل خطاياي نقصصي ندخل اغسل نعم اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد نعم نقصصي لديرسون دو مسلم سل دو البخاري سيسان لنون الوقاية سي اللهم اغسل خطاياي اللهم اغسل خطاياي بدون صنون الوقاية نعم قال الحديث دونك سي حديث كي متفق عليه. Et ça, c'est la version de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Enfin, هذا الدعاء qui est évoqué à هنا, c'est أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. La doha istiftah qui est la plus authentique, c'est celle-là. Il y a plusieurs manières de ouvrir la prière. Celle qui est la plus authentique, c'est celle-ci. Il va évoquer d'autres versions, d'autres manières de faire, mais celle-ci, c'est la plus authentique, comme l'ont évoqué Al-Hulama. Dans ce hadith, il est dit que le prophète, alayhi wa sallam, avant de ouvrir la lecture de l'Fatiha, il implorait Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, « Oh Allah, Allahumma bimahna ya Allah. » On a pu voir qu'il y a deux manières de dire « Oh Allah ». Allahumma, donc avec le L, Allahumma, et aussi il y a une loura qui est légiférée, la qui ne part dans ce hadith-là, de dire Allahumma, c'est légiféré. Yani ça c'est mimbab, yani qu'on sache, yani que ceci fait partie de la langue arabe. Si jamais tu entends une personne qui dit Allahumma, il faudra pas être, faut pas t'étonner. C'est une chose qui est tout à fait, comment ça s'appelle, connue dans la langue arabe. Il y a deux manières de dire Oh Allah. La plus connue, Allahumma. Et celle qui est moins connue, lakin, qui est une loura qui est considérée, lahumma, comme l'a évoqué l'imam Ibn al-Mulaqqin, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Umdat al-Hikam. Fa Allahumma, O Allah, ba'id bayni wa bayna khatayay, éloigne-moi ou écarte-moi de mes péchés comme tu as éloigné, kama ba'adta bayna al-Mashriq wa al-Maghrib, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Allahumma naqqini, O Allah, purifie-moi min khatayay, de mes péchés, kama yunaqqa thumbul abyas, comme le vêtement blanc est purifié. Ad-danas, c'est la saleté. Al-wasakh. Allahumma arsilni, O Allah, lave-moi, purifie-moi min khatayay bis-thalji wal-ma'i wal-barad, par la neige, l'eau et la grêle. Fa fi hadha al-hadith, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, implore Allah subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa jalla le pardonne. Avant de commencer même la prière et de lire al-Fatiha, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le pardonne. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui, comme a dit subhanahu wa ta'ala, li yaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Donc ses péchés étaient pardonnés. Tous ses péchés sont pardonnés. Lakin hadha min bab at-tawadhu, min bab at-ta'abbud. Hadha min bab al-bayan, il a évoqué cette dua-là, min bab al-bayan, afin de que ce soit un bayan, un exposé pour sa communauté, car nous faisons tous des péchés. Innakum tukhti'una bil-layl wan-nahar. Vous faites tous des erreurs jour et nuit. On fait tous des péchés jour et nuit. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lawla annakum tudhnibun la dhahaba Allahu bikum wa la ata biqawmin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Rapporté par Muslim. Si jamais vous ne commettrez pas de péché, Allah Azza wa Jal vous aurait fait disparaître et fait apparaître un peuple qui fait des péchés, qui commet des péchés et qui demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal leur pardonne. Non, fa Allah Azza wa Jal min asma'ihi at-tawwab, min asma'ihi al-ghafour, min asma'ihi al-ghaffar. Fa il a ce nom-là, et ce nom-là, il y a athar, le fait qu'il pardonne. Donc il faut des péchés, ça c'est lazim l'insan, il commettra des péchés parce que la perfection, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan, mahma kamula, mahma balara min al-rutba, quel que soit son statut, il fera des péchés. Thumma bayna mustaqil wa mustakthir. Certains ont fait énormément, certains ont fait peu. Lakin, nous faisons des péchés. Donc on a besoin du pardon. Et Allah azza wa jalla s'est appelé le Ghaffar parce qu'il pardonne, parce que nous ferons des péchés quoi qu'il en soit. Et ça, c'est une cause pour qu'Allah azza wa jalla nous pardonne. D'appeler Allah azza wa jalla par cette du'a-là. Lorsqu'on fait le prologue de la prière. Et kazalika yani, en dehors de la prière, c'est une dua qui est azima jiddan. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya. Et afin que tu sois éloigné, écarté. C'est-à-dire que là, c'est adam al-mulaqa, que tu ne rencontres pas le péché. Car des fois, yani, l'insan, il est da'if. Si jamais le péché il est présenté, il se peut qu'il tombe dedans. Lakin, si jamais le péché ne lui est pas présenté et que lui, il a un endroit et le péché, il a un autre endroit, enfin, même s'il est faible, Allah Azza wa Jal va le préserver par rapport à l'endroit où il est. Enfin, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'éloigne du péché et que tu ne le vois pas, ça c'est une ni'ma ka'azima, jiddan. Ça préserve celui qui est qawi et kazalika celui qui est da'if, à ne pas tomber dedans. Car toute personne qui est présentée au péché peut être séduite si sa foi est faible et tomber dedans. Or, avec cette dua-là, cette imploration-là, Allah Azza wa Jal t'épargne. Épargne celui qui est faible de pouvoir tomber dedans. Ça c'est ma'ruf. Hatta yani kana yaqul ba'da al-ikhwa, qu'on a n'arrive pas, il y a quoi, le dommage, c'est une ni'ma, parce que il y a des choses, yani, parmi les péchés qu'on ne voit pas. Et il se peut que si jamais serait présent, certains seront séduits, auraient été séduits et seraient tombés là-bas. Fait le fait d'être à l'abri, d'être présent à certains péchés, c'est une ni'ma karadima, qui demande, qu'on demande à Allah Azza wa Jal, qu'on le remercie énormément. Car l'insan est la'if, un jour t'es fort, un jour ta foi elle est forte, un jour ta foi va baisser. Un jour tu vas avoir de la répulsion pour un péché, demain tu peux être faible. L'insan il sait pas, yani, qalbou il est pas entre ses mains. C'est pas lui qui maîtrise ses émotions et son iman. Les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala les guide ou les égare. Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum as-sabat. Falizalika, yani à travers cette doha-là, on tire une grande leçon, qui est al-hijra, le fait de s'écarter des endroits dans lesquels le péché est observé. Même si jamais aujourd'hui tu as la force, demain tu peux faiblir. On a pu le voir. Des frères qui étaient forts aujourd'hui et qui sont devenus très faibles le lendemain. Des frères qui étaient un rempart, même qui étaient très éloignés, distants, et qui avaient un bourde, shadid, de certains péchés, et qui, le lendemain, après plusieurs années, tu les vois, qui sont tombés dedans. Des frères qui combattaient ceux qui rasaient la barbe, et des années après, tu le vois avoir rasé la barbe, et ceci et cela. Fait le fait d'être éloigné, t'as des endroits dans lesquels tu peux être, yani, éprouvé dans ta religion, c'est ni'ma azima. Qu'on retrouve à travers cette du'a-là. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya. Kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Je suis dans un coin et le péché est dans un autre coin. Al-muhajir man hajara manaha Allahu an. Kama ja'a fi al-hadith. Le muhajir, le vrai immigrant, c'est celui qui émigre ce qu'Allah Azza wa Jal lui interdit. Il s'écarte. Il n'est pas maître de lui-même. Allah Azza wa Jal détient son cœur. Allahumma naqqini min al-khataya. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. La première partie, c'est un nom min al-maghfira. C'est une catégorie de pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne, te met à distance de ce péché-là et te préserve de tomber dedans. C'est une ni'ma azima parce que ça préserve celui-même hatta qui est faible. Comme on a pu le voir. Deuxième nom min al-maghfira, naqqini min al-khataya. Et il demande que ce péché-là soit effacé. Ça rentre dans l'istighfar, ça rentre dans un tawbah. Que ce péché soit effacé afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas. Ou bien ne le dévoile pas yawm al-qiyamah, ou bien dans la vie d'ici. Comme on a pu le voir, al-maghfira, le fait de demander le pardon, c'est al-wiqaya min sharr al-dhunub. Lamma natlu min Allah, lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous pardonne, on lui demande qu'il nous préserve du mal des péchés. Quel est le mal des péchés, comme on a pu le voir dans les durus précédentes, c'est qu'Allah Azza wa Jalla te dévoile dans la vie d'ici. C'est une uquba. C'est une uquba d'être dévoilé du péché que tu faisais. Yani, en discrétion, Allah te dévoile aux yeux de tout le monde qui faisait ceci et cela. Ou Allah Azza wa Jalla, deuxième nom, men al-uqouba, du châtiment, c'est qu'il te châtie dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Comme on a pu voir à travers le hadith dans lequel Allah Azza wa Jalla, le hadith il est rapporté par un muslim, et je pense même qu'il est muttafaqun alayh, que ceux qui vont être yuhasab hisaban yasira, al-ard, Allah Azza wa Jalla va leur présenter leurs péchés. Il va dire, yani, à son abd, Oud-nous, rapproche-toi, oud-nous, jusqu'à ce qu'il se rapproche bien d'Allah, Azza wa Jalla. Ensuite, il va l'évoquer chaque péché. Alam taqul fa'altu kada, fi yawmi kada, t'as fait ceci dans tel jour, ceci dans tel jour, jusqu'au point, il va penser qu'il est dans la perdition. Et qu'Allah, Azza wa Jalla, va le châtier, il va le punir pour chaque péché qu'il a commis. Thumma Allah, Azza wa Jalla, yaqul, inni qad satartuha alayka al-yum. Au fit dunya. Je t'ai préservé, je ne t'ai pas dévoilé dans la vie d'ici bas, wa ana aghfiruka al-yum. Et je te pardonne ces péchés-là, aujourd'hui. Donc, le fait que la personne ne soit pas dévoilée, c'est une ni'ma. Ça ne veut pas dire qu'il y en profite. Là, le jour au lendemain, tu peux te faire dévoiler. Lakin, min uqubat adh-dhunub, parmi les châtiments des péchés, que tu te fasses dévoiler. Et encore plus grand que cela, que tu te fasses châtier, c'est-à-dire punir par rapport à ce que tu auras fait. Qala kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-dunya, c'est-à-dire qu'il est purifié totalement de ce péché-là. Parce que, certains comme l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ils évoquent que Allah Azza wa Jal peut pardonner d'une manière, c'est-à-dire absolue, c'est qu'il efface ce péché-là ou bien qu'il allège la sentence, comme ils ont évoqué avec les kaba'ir. Ils disent que les œuvres méritoires, comme l'imam An-Nawawi rahimahullah, et c'est un qol qui est mu'tabar, qui est considéré. Il dit que celui qui commet les grands péchés et qui n'a pas fait tawbah, si jamais il fait des œuvres méritoires, salawat al-khams, Ramadan et l'akhirah, On a pu voir que ces choses-là, ce sont une expiation des péchés, lakin, à condition que cette personne-là s'écarte des grands péchés. Et ils disent, quel est le cas de la personne qui aura commis des grands péchés, qui n'a pas fait Toba, et qui aura fait une œuvre méritoire, Siyam Arafa, Siyam Ashwara, Sadaqa et l'Akhiri, parmi les œuvres qui sont méritoires. Inna al-hasanat yudhiban as-sayyat. Les hasanat, les bonnes actions, elles effacent les mauvaises actions, lakin, celles qui sont petites. Ama les grandes actions, certains ont dit, l'action, le grand péché reste tel quel. Et ces œuvres méritoires-là ne seront pas une expiation. Ni des grands et ni des petits péchés. Parce qu'il n'a pas fait tawbah. Et certains, comme l'imam Nahr, rahimahullah ta'ala, ils évoquent que l'œuvre méritoire assurera une expiation pour les personnes qui auront fait une kaber et qui ne seront pas, qui n'auront pas fait tawbah. Lakin, ce ne sera pas une expiation absolue, ce sera une expiation qui est partielle. C'est-à-dire qu'il va être allégé. La'allallah azzawajal, il va lui alléger la sentence qui, normalement, devait mériter de ce grand péché-là. Fahawana, il dit, kama yunakka sobul abyadu menaddin, c'est-à-dire une expiation qui est absolue. Il reste plus rien. Il ne reste plus rien. C'est pas allégé, c'est-à-dire il ne reste plus rien de ce péché-là. Allah Azzawajal lui a pardonné. Thumma qala ihsan li min al-khataya bi-thalji wal-ma'i wal-barat. Encore une troisième. Maghfira, nu'a min al-maghfira. Il dit, lave-moi de mes péchés par la neige, l'eau et la grêle. On va lire la parole de l'imam Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, une très belle parole concernant l'explication de ce hadith-là. Il est évoqué dans l'explication de Sharh Muslim, le volume 2, la page 462. Faqara, rahimahullah ta'ala, donc il vient l'explication de certains paragraphes du hadith. Qala wal muba'ada fiha adamu al mulamasa. Lorsqu'il a dit Allahumma ba'idni, il dit Sheikh Al-Usaymi, rahimahullah, qu'est-ce que le muba'ada? Qu'est-ce que le fait qu'Allah t'éloigne? Il dit, ça implique Adam al-Mulamasa, que tu ne touches pas à ce péché-là. Si tu es éloigné, tu ne pourras pas le toucher. En fait, je pense que l'expression qui aurait été la plus appropriée, c'est le fait de dire Adam al-Mulaqa. Comme al-Mubarada, c'est-à-dire que tu ne la rencontres pas. Parce que ne pas toucher, ça n'implique pas que tu ne sois pas éloigné de cette chose-là. Je ne touche pas, lakin, la chose est devant moi. Même ce qui est voulu ici, wallah alam, c'est qu'il est loin. Comme il est distant, c'est-à-dire qu'il ne rencontre pas ce péché-là. Lakin, le mot qui est plus approprié par rapport à la mubaada, c'est adam al-mulaqa. Parce que al-mulamasa, c'est-à-dire toucher une chose, tu peux ne pas la toucher, mais être présent, être devant cette chose-là. Tandis que adam al-mulaqa, c'est-à-dire que la chose n'est pas devant toi. Donc, mimbab awla, ça implique, c'est sûr, que tu ne pourras pas la toucher puisque tu ne la vois pas. Enfin, adam al-mulaqa, wallah alam, c'est plus approprié. Lakin, on sait qu'est-ce que son qasd, wallahu alam, par rapport à Adam al-Mulamasa. Qala wal-Mubaada, le fait d'être éloigné, qala fiha. Adam al-Mulamasa, fiha. Donc, ça implique cela. Qala wa tanqiya fiha, la pureté. Lorsqu'il dit, wa naqqini min al-khataya, qu'est-ce que, at-tanqiya, qu'est-ce que, a voulu dire le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à travers, wa naqqini min al-khataya, qala izalatul wasakh. Comme il a dit, yani, kama yunaqqa thobul abyudu min al-danas. Yani, qu'Allah azza wa jal efface cette tâche-là. Al-wasakh, cette saleté-là. Non, les péchés, ce sont des saletés. Les péchés, ce sont des saletés. Denas. Et on peut le voir à travers la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, inna la na'akul as-sadaqa. Faqala, fou ba'd al-ruwaya kakhin kakhin. Lorsque Al-Hassan ibn al-Hussein, ils ont voulu manger une tamr. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a craint que cette tamr-là, ce soit une tamr qui fait partie peut-être de sadaqa, c'est-à-dire celle qui a été donnée avec l'intention de se purifier. C'est ça la sadaqa. La sadaqa, c'est lorsque je fais un don et je recherche à travers ce don-là que Allah Azza wa Jalla m'expie d'un péché. فَقَالَ إِنَّهَا مِنْ أَوْسَخِ النَّاسِ. La sadaqa fait partie des saletés des gens, c'est-à-dire des choses à travers lesquelles ils veulent se purifier. C'est pour ça que Ahl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne mangent pas, ne peuvent pas manger et accepter la sadaqa. Car cela fait partie des saletés. Et des choses à travers lesquelles ils veulent se purifier des saletés, c'est ce qui évolue. Fa al-dhanb, c'est une saleté, wasakh. Il salit le cœur qui est blanc, comme il dit dans le hadith. Nukita fi qalbihi nuktatun bayda. Si jamais il fait une mauvaise action, nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Son cœur va noircir. Qala wal-ghusl, lorsqu'il a dit irsilni, qala fiha izalatu atharihi. Yani ça, c'est la disparition de ces choses-là, c'est-à-dire on la retrouve pas dans le corps. Il va mieux l'expliquer. Izalatul wasakh, la saleté est là, izalatu atharihi. Tanqiya, c'est d'effacer la saleté, al-ghusl, c'est le fait d'effacer la trace. il va expliquer, mashallah. قال لأن ذنوب parce que les péchés. قال إما ذنوب لم تخشى من بعد. Les péchés, il dit, sont de plusieurs catégories. Certains péchés dont la personne, aslan ou faslan, ne les a pas rencontrés. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla te met une mubahada, t'éloigne, te met distant de ce péché-là. قال فهذه المبعدة ذنوب qui sont présents لكن لم تخشى من بعد. La personne ne les a pas perpétués parce qu'il n'est pas يعني, à côté de ce péché-là. قال فهذه مبعدة قال أغشيت ثم محيت ou que la personne les a fait ce péché-là لكن Allah عز وجل lui a pardonné parce qu'il a fait استغفار parce qu'il a demandé le pardon. قال ولكن بقي أثارها في القلب. Le péché il est effacé. La saleté elle est effacée, lakin, la trace est toujours présente dans le cœur. C'est-à-dire que, il regrette ce qu'il a fait, mais est-ce qu'il a une volonté ferme de ne plus revenir dessus? Ça, c'est une autre chose. Je regrette une chose, je sais que cela, c'est pas bien. Je sais que ça fait partie des péchés, lakin, je suis faible. Dans mon cœur, je ressens pas que j'ai une razim, une volonté ferme de ne plus recommencer. Et ça, ça nous amène à rajouter une différence entre le al-istighfar et le tawba. On avait pu voir dans les cours précédents, parmi les différences entre l'istighfar et le tawba, al-istighfar, ça touche deux amens. Le présent et le passé. Ils disent le ulama, lorsque tu dis astaghfirullah wa atubu ilay, fastaghfirullah, c'est pour les péchés qui sont passés et les péchés présents. Amma At-tawba, ça englobe les trois temps. Al-mardi, le passé. Al-hadir, le présent. Wal-mustaqbal, c'est-à-dire qu'il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il le préserve des péchés à venir. Lorsqu'on demande at-tawba. Comme on a pu voir à travers les shurut de tawba, an-nadam. Donc tu regrettes ce que tu as fait, ce qui est passé. Donc ça, c'est lié au passé. Al-iqla', le fait qu'il s'en détache. Donc ça c'est le présent. Sur le tas, il faut que sur le champ il s'écarte de ce péché-là. Summa al-azima parmi les shurut, al-azima la volonté ferme de ne plus recommencer de revenir sur ce péché-là. Donc à travers ces trois conditions-là, al-nadam, al-iqla' ou al-azima, les trois temps sont touchés, passé, présent et le futur. Et là on peut le voir à travers même ce l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Il évoque par rapport à la tanqiya, c'est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il efface ce péché-là. C'est-à-dire qu'il ne te châtie pas par rapport à ce péché-là. Lakin, est-ce que il a effacé dans le cœur cette tentation-là à tomber dans ce péché-là? Ça n'englobe pas cela. Fa l'istighfar, lorsqu'on demande à l'istighfar, c'est pour que Allah, azza wa jalla, nous pardonne ce péché-là. On peut dire istighfar, pas tawba. Lakin, si tu dis istighfar, ça n'englobe pas que cette personne-là, yani, on lui efface dans son cœur cette volonté à recommencer. Amma tawba, lorsque tu demandes qu'Allah accepte pour toi la tawba, yani c'est comme si tu demandais qu'Allah, Azza wa Jal, t'efface ce péché-là et qu'il t'efface aussi la trace de ce péché-là dans le cœur pour que tu n'aies plus ou une seule envie de revenir sur ce péché-là. Enfin, à travers ce hadith-là, plutôt l'explication-là, on voit qu'il y a une différence entre l'istighfar et at-tawba. Al-istighfar, c'est pour izalatul wasakh. Effacer le péché. Est-ce que yalzam min dhalika izalatuhu min al-qalb et izalatul athar? La. Amma at-tawba, si tu demandes qu'Allah Azza wa Jalla il te waffiq les tawba, c'est de lui demander qu'il te donne la réussite afin que il te supprime ce péché-là, il te le pardonne. Et kazalika qui te supprime dans ton cœur cette envie d'avoir une volonté et un désir de recommencer ce péché-là. Ça fait partie des furuq. Donc là, on a deux différences qui nous permettent de différencier entre l'istighfar et at-tawba. L'istighfar, c'est lié à deux temps. At-tawba, c'est lié à trois temps. Al-istighfar, c'est izalatul wasakh wa izalatul athar. La suppression du péché et la suppression de la trace de l'envie de recommencer. Amma at-tawba, c'est izalatul wasakh. Qu'Allah Azza wa Jal, il efface ce péché-là. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, la plus grande des expressions, c'est quoi cette tawba? La tawba, c'est plus fort que l'istighfar. Toute personne qui fait une tawba, ça fait un istighfar. Lakin, c'est pas tout istighfar qui est une tawba. Ça, c'est important à savoir. Fa'idi, rahimahullah. qala ou ghushiyat summa muhiyat, péché dont la personne a commis et il a demandé l'istighfar et Allah Azza wa Jalla il lui a pardonné. Qala walakin baqiya atharaha fil qalb, lakin il reste cette trace là, cette volonté et ce désir de recommencer. Qala wa idha ghusilat uzila atharaha bil kulliya, et si jamais elle a été lavée, eh ben on ne retrouvera pas ce athar là yani de manière totale, c'est-à-dire cette envie de recommencer. Qala fala yabqa fiha atharun, il ne retrouvera pas dans son cœur une envie de recommencer. Qala wa ma'lum an al qulub tasda bil ma'asi wa tudlam, il est connu que les cœurs y rouillent, que la ma'asi et le péché sont un sebab pour que les cœurs y rouillent, et kadhalika que les cœurs soient obscurs. Ma'ruf, comme on a pu voir à travers le hadith, nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Lorsqu'il voit le munkar, ولا ينكره نكت في قلبه نكتة صورة. قال فقد يغفر للإنسان الذنب لكن بقي أثره. Et là on voit bien la différence. Il dit فقد يغفر للإنسان الذنب لكن بقي أو يبقى أثره. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne le péché, lakin, la trace, cette envie, le désir de recommencer est toujours présent. Donc là, si jamais le désir et l'envie est toujours présent, mais malgré cela, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ce qu'il a fait, on peut pas appeler ça une tauba. Parce que c'est quoi? Parmi les conditions de la tauba, qu'il a une forte, qu'il a une fermeté à ne plus recommencer ce péché-là. Donc il faut plus qu'il retrouve ce désir-là dans ce cœur-là, dans son cœur. Même celui qui, son péché a été pardonné, mais dans son cœur, il trouve toujours cette envie-là. Il sait pas quand est-ce qu'il va recommencer. Il sent dans son cœur que il est pas lavé de cela. C'est ça, le péché qui a été pardonné, on n'appelle pas ça une tawbah, on appelle ça un istighfar. Pourquoi? Baqiya shart al-azima an la yabda fiha. Qala fa idha naqqa Allahu 'azza wa jalla insan min dhanbihi thumma ghasalahu qala fa hadha kamal at-tathhir min adh-dhanb. Et si Allah 'azza wa jalla nettoie le péché, c'est-à-dire le supprime, ne le châtie pas par rapport à ce qu'il a fait, et ensuite il lui lave son cœur, c'est-à-dire que il lui retire ce désir-là de recommencer et de refaire ce péché-là. قَالَ فَهَذَا كَمَالَ التَّتْهِيرِ مِنَ الذَّنْبِ, telle est la perfection de la purification des péchés. Et ça, c'est la tauba. Il n'y a pas un palier, il n'y a pas un degré plus haut que la tauba. تَوْبَةٌ ثُمَّا, en dessous de cela, parmi les expressions, c'est l'istighfar. Ensuite, en dessous de cela, c'est l'a'mal الصالحة التي تكفر السيئات, كما قال سبحانه وتعالى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Et c'est pour ça, wallahu a'lam, que là, dans ce hadith-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a évoqué trois sortes de liquide, à la fin, lorsqu'il a dit, irsalni min al-khataya bi thalji wal ma'i wal barad. Certains, ils ont dit, c'est une ishara pour montrer que l'expiation des péchés est de trois catégories. At-tawba, al-istighfar, wal-a'mal al-saliha, les œuvres pieuses. C'est-à-dire qu'il a évoqué trois sortes de liquides qui vont être une purification, un lavage du cœur, car ils disent que les expiations sont au nombre de trois. Tawbatun, wa istighfarun, wa mukaffirat, c'est-à-dire les œuvres méritoires. Wallahu tabarak wa ta'ala. C'est une explication qui est énorme. C'est une explication qui est énorme. L'explication de l'imam al-Usaymin, rahimahullah ta'ala. Kadhalika hahuna. Al-Sheikh al-Usaymin, toujours dans le même masdar, dans la même référence. Il nous dit, rahimahullah, qala fa in qila, si jamais on nous demande, limadha qala bil thalji wal ma'i wal barad, pourquoi le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, lave-moi de mes péchés par la neige, l'eau et la grêle. Qala wa lam yaqul bil ma'al har. Et pourquoi il n'a pas dit par l'eau chaude? Qala wal ma'al har abla fi tanzif, car l'eau chaude, elle est plus appropriée, yani, pour laver. Ma'ruf, yani, si jamais tu veux un vêtement, si jamais tu veux bien nettoyer un vêtement, c'est plus avec l'eau chaude. L'eau chaude, elle a un profit, une efficacité qui est beaucoup plus forte que celle qui est, que le vêtement qu'il avait avec l'eau froide. Hada ma'ruf. Enfin, on peut se poser une question. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, vu qu'il évoque un lavage du cœur, et il évoque un ikazal et qu'il a le vêtement, pourquoi il n'a pas évoqué l'eau chaude? Et pourquoi il a évoqué ces choses-là qui sont froides? La neige, l'eau froide et, al-bard. Qala qulna hada al-ghusl laysa ghuslu athari hissi. Ce lavage-là qui est évoqué ici, c'est pas le lavage, yani, concret, yani, un lavage de vêtements, yani. Qala hatta yutlab lahum ma'un har. C'est pas un lavage concret, yani, avec lequel on utilise généralement l'eau chaude. Qala walakinahu ghuslun athari, athari ma'nawi. لكن c'est un lavage qui est abstrait. قال ويطلب له الشيء البارد. Ce lavage-là, qui est le lavage des cœurs, le lavage des péchés, النبي a utilisé une métaphore, il a utilisé هنا الماء البارد. Pourquoi? قال حتى يدفئ حرارة الذنب. Car il est beaucoup plus efficace pour éteindre la chaleur du péché. C'est pour ça qu'il a évoqué هنا les choses qui sont froides. Pourquoi? Le péché. Le péché, يعني, c'est, c'est une chose qui est chaude, qui brûle les cœurs. Qui brûle les cœurs. Allah Azza wa Jalla l'a évoqué que le péché, il implique le châtiment qui est l'enfer. قال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Le péché, c'est une cause qui mène en enfer. Comme on peut voir dans cette ayah-là. ومن يعص الله, c'est celui qui désobéit Allah سبحانه وتعالى ورسوله et son prophète, alayhi salatu wasalam, فإن له نار جهنم. Il aura l'enfer, خالدين فيها أبدا. Et dans lequel il va résider éternellement. Certains ont évoqué que le péché qui évolue ici, ومن يعص الله ورسوله, c'est le shirk. Parce qu'ils ont dit, il n'y a que le shirk et les annulatifs de l'islam qui impliquent que la personne soit, réside dans l'enfer éternellement. Et certains ont dit que ce qui évolue ici, c'est tous les péchés. Car tout péché mène à l'enfer. Tout péché mène en enfer. Comme a dit les ulama, al-ma'siyatu barid al-kufr. Al-ma'siya, c'est le point virgule entre toi et la mécréance. Pour ça que le Nabi, il a dit, alayhi salatu wasalam, iyakum wa muhaqqarat adh-dhunub. Préservez-vous, abstenez-vous de mépriser les petits péchés. Pourquoi? Parce qu'un petit péché avec un petit péché, comme il est venu dans le hadith, c'est plein de brindilles et de petites branches qui sont réunies et qui font un grand feu. Donc, le péché, il mène à l'enfer. Et le péché, vu qu'il mène à l'enfer, donc c'est une chose qui est chaude. Et comme c'est chaud, la chose la plus efficace pour l'éteindre, c'est une chose qui est froide. C'est pour ça qu'il a évoqué Hahuna, en métaphore, les choses qui sont froides, comme le thalj, al-bard, plutôt al-barad, wa kadalik al-ma al-barid. Hatta yakuna ablar. Que ce soit, yani, plus efficace afin d'éteindre la chaleur de ce péché-là qui est dans le cœur, qui brûle. Qala li'anna dhunub laha harara, muhriqa, illa man asamahu Allahu minha. Car les péchés, ils ont une chaleur, une intense qui brûle le cœur. Excepté ceux dont Allah Azza wa Jal a préservé. قال فكان المناسب أن يدعو الله تعالى أن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. Et c'est pour ça qu'il était beaucoup plus opportun que le prophète عليه الصلاة والسلام il évoque ces choses-là, yani, qui sont des liquides qui sont très froids, car ce sont des choses qui sont efficaces pour éteindre les choses qui sont extrêmement chaudes, comme c'est le cas du péché. نعم. فهذا ك شرح مختصر. C'est une petite explication de cette dua qui est azim, la plus authentique, dans le prologue de la salat. Takbir al-ihram. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqqa al-thawb al-abyad min al-dunus. Allahumma ighsilni min khatayay bil-thalj wal-ma'i wal-barad. Nas'al Allah azza wa jalla an yaghfirana wa iyyakum dhunubana jami'an wa inshallah tabarak wa ta'ala ila liqa'in. Le vendredi, inshallah, à 6h, inshallah, on poursuit ce que a évoqué Cheikh Al-Aryani, hafizahullah ta'ala, comme dua et adhkar qui sont légiférés de dire pour dua l'istiftah. Nasallahu azza wa jal yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.